La conversion de la veuve de Paul de Poncevray. Un petit salon, meubles modernes, chaises et fauteuils, table à ouvrage, etc., portes latérales et portes au fond, fenêtres au fond, scène 1. Mariette, Madame Duménil. Elles entrent en disputant. Mariette. Eh bien non, ma reine, il n'est pas possible que cela dure. Madame Duménil. Ne croirait-on pas que je vous tyrannise ? Enfin, ma reine, libre à vous de vous cloîtrer, mais je n'ai pas une nature à vivre ainsi comprimée. Notre horizon s'étend jusqu'au mur du jardin, 25 mètres, et la variété des visages disponibles est épuisée quand nous nous sommes regardés. Mais aussi, Mariette, votre prétention est singulière. Je suis veuve, je me suis résolue à ne pas sortir du veuvage, qui est comme un port tranquille, et vous voudriez me lancer à travers les chances du mariage, qui peut être un océan plein de tempêtes. Ou un beau lac plein de charme. Mais vous vous obstinez dans une résolution stérile qui vous gênera vous-même quelques jours. C'est ridicule. Une bonne résolution ne fut jamais ridicule. Une résolution ridicule ne fut jamais bonne. Et je n'en sais pas de pire que la vôtre. À 26 ans, avec de la fortune, sans être laide et n'étant pas bête. Merci. Vous attirez les plus sortables parties et systématiquement vous les refusez. Je le dois faire pour la mémoire du colonel. Pour la mémoire du colonel, se fondre en larmes, à peine intermittentes. Pour la mémoire du colonel, sacrifier toute sa tendresse à un chien. Le colonel n'en demandait pas tant. Le colonel était le meilleur des hommes. Je ne le nie pas, mais après... Il est mort plein d'amour pour la France et pour moi. Il est mort d'indigestion. Les colonels, c'est comme les autres. Quand ça mange trop, ça s'étouffe. J'ai entendu son général disant ici même « Duménil, c'est une gloire, une belle lame et une excellente fourchette. Mais puisqu'il est mort, ça lui est bien égal que sa veuve dépérisse d'ennui ou se donne de la distraction. Mais vous avez ouvert le robinet des larmes le jour de l'enterrement. Et depuis ce temps-là, ça coule, toujours. Vous vous êtes mis en tête de réaliser enfin le type de la veuve vraiment inconsolable. Madame ne sort plus, ne reçoit personne, et c'est un roquet qui tient lieu du monde entier. » « Allez-vous exiger que je me sépare de mon chien, le chien qu'aima mon mari ?»« Eh non, ma reine, mais vous ne comprenez pas que vous exagérez la gravité du veuvage. Et moi, qui ne suis pas veuve, je trouve cette gravité-là un peu lourde. Je vous chéris, ma reine, vous êtes bonne, je vous dois beaucoup. Je veux vous donner un avis salutaire. Vous n'avez qu'un travers, celui de vous croire obligée à des regrets éternels. Voulez-vous être parfaite ? Mariez-vous ? » Me marier, voilà 2 ans que je m'y refuse. Mais au moins soyez gaie. Si je voulais être gaie, je ne refuserais pas de me marier. Ce n'est pas de la constance, c'est de l'entêtement. Si j'étais, moi, veuve d'un colonel de cavalerie, sabre et trompette, je ferais danser tout le régiment. Quel langage ! Quelles idées ! Ce sont les idées, le langage de mon âge, qui n'est pas beaucoup au-dessous du vôtre, ma marraine. Écoutez bien, je ne puis plus feindre la désolée. Cette maison-ci est trop sombre. Il y faut une tête d'homme pour l'égayer. Voudriez-vous vous marier, Mariette ? Moi, oh non, je ne connais personne. Je ne demande que vous voir plus animée, plus joyeuse. Ce qui arriverait si... Inutile, Mariette, c'est chose dite. Mais on ne respire plus, ma reine chérie, dans cet air saturé de tristesse. Je vous en prie, ne pleurez plus. Mariez-vous. Madame Duménil, à part. Si j'osais lui dire... Mais j'ai trop souvent dit non. Tant pis. Mariette, laissons ce sujet. Loulou a-t-il eu sa pâtée ? Le voilà qui m'appelle. Je vais m'en assurer. Elle sort. Scène 2. Mariette, seule. Oh, ce chien, il m'exaspère, lui aussi. Je suis à bout de patience. Un âne lui-même en manquerait. Caresser le chien et verser des pleurs, puis verser des pleurs et caresser le chien et recommencer encore, voilà toute l'occupation de Madame Duménil, et depuis 3 ans je subis ce spectacle. Ah, j'envie le sort des domestiques. Ils se déplaisent dans une maison, ils vont dans une autre, mais moi je ne puis guère sortir d'ici. Servir ma marraine qui m'a recueillie orpheline et que je chérisse au fond, ce n'est pas être servante. Il faut néanmoins tout faire, tout supporter, ses doléances et ses manies. Je suis enchaînée par la reconnaissance et l'amitié. Ces liens-là, c'est solide quand on a du cœur, mais c'est bien gênant tout de même. Scène 3. Mariette, Madame Duménil, la veuve, entre lentement, avec un air triste, et son chien dans les bras. Madame Duménil a son chien. Pauvre petit loulou qui a perdu son maître. Où est-il, le maître à vous, mon petit chéri? Il est au ciel. Oui, il y est pour toujours. Mariette, à part, d'un ton découragé. Voilà, que disais-je, rien de changé. Et tu ne le verras plus, ton maître. À moins que tu n'ailles le rejoindre. Comment? Que dites-vous? Vous avez une méchante intention. Moi, ma reine. Oui, vous-même. J'admire votre étonnement. Vous faites la naïve, mais au fond... Eh bien, qu'y a-t-il au fond? Vous avez le cœur dur, vous ne compatissez pas à la douleur d'autrui. Vous ne la comprenez même pas. Vous en riez, fille ingrate. Vous me trouvez ridicule, je le sais. Vous me l'avez fait entendre. Ma tristesse vous incommode. Oh, pouvez-vous dire de telles choses et les penser, ma reine? Loulou lui-même, Loulou vous déplaît depuis qu'il a perdu sa gaieté en perdant son maître. Oh chien. N'est-ce pas, mon chéri? Elle pleure. Mais non, madame, mais non, je ne ris de rien. De quoi pourrait-on rire ici? Y a-t-il une occasion de rire? Mais je suis triste comme vous. Oh non, ce n'est pas possible. Au moins, j'y fais ce que je peux. Et Loulou, je l'aime comme vous. Oh non, ce n'est pas possible. Au moins, j'y fais ce que je peux. N'est-ce pas, petit chien adoré? Allons, faites une risette. Allons, vite, une risette. La vilaine bête, il sent mauvais. Mariette, quel temps fait-il? Il fait triste, ma reine. Il pleut? Oui, ma reine, il pleure. On dirait que le ciel est veuf. Encore une impertinence. Vous rejetez décidément tout respect. Nous en viendrons à ne plus reconnaître qui est la maîtresse. La marraine. Maîtresse. Marraine. Maîtresse, je le soutiens. Alors je vous donne mes 8 jours. J'en ai assez de votre maison. Les murs sont humides tant vous pleurez. J'y gagnerai des rhumatismes. Oh, l'on m'y reprendra à tenir compagnie à des veuves inconsolables. Je vais faire mes paquets. Fausse sortie, Madame Duménil la ramène. Tu n'es pas une petite malheureuse pour traiter ainsi ta marraine. Maîtresse, vous l'avez dit vous-même. L'un de ces titres ne détruit pas l'autre. J'ai comme maîtresse droit à votre respect, droit à ton affection comme marraine. Et tu manques à la fois de respect et d'affection. Mariette, les bras croisés sur sa poitrine et d'un ton presque insolent. Alors, vous allez rajouter une 3e manie aux 2 autres. Vos larmes et votre chien pour commencer, des sermons pour compléter. Eh bien, madame, c'est trop. Je n'attends pas 8 jours, je n'attends pas demain ni ce soir. C'est sur l'heure que je m'en retourne au village. Le temps de ficeler mes hardes et je vous tire ma révérence. Elle salue en se moquant et sort. Scène 4. Madame Duménil, seule. Ainsi, je serai persécutée par tout le monde. Par ma femme de chambre qui ne veut pas que je sois triste, par le capitaine qui veut que je l'aime, par mon propre cœur, hélas, qui consent? Vraiment, c'était bien la peine de soutenir un si long effort et d'envelopper mon cœur de tristesse et ma tête de voile noir pendant 3 ans pour en venir à ce point de faiblesse. Veuve d'un colonel, aimer un capitaine! Je l'aime, je ne puis me le cacher. Et suis-je assez malheureuse de l'aimer? Car je n'ose l'avouer, après avoir si longtemps résisté à tous les conseils de mariage. Depuis 3 ans, je m'obstine dans mon deuil. Voilà comme nous sommes. Dans un moment d'exaltation, nous prenons de grandes résolutions, nous les affichons pour paraître fortes, puis le temps marche et chaque jour les affaiblit. Mais nous jurons toujours que nous ne changeons pas. Si bien qu'en matin, vaincus au-dedans, nous ne pouvons avouer notre défaite. Nous nous sommes emprisonnés par amour-propre dans un cercle étroit qui ne laisse pas de place à l'amour et dont il est bien difficile de s'échapper. Ah, si Mariette se doutait de ce qui se passe dans mon cœur! Mais c'est qu'elle veut partir, sérieusement? La pauvre enfant, quelle patience elle a gardée! Ce n'était pas gai pour elle, qui n'avait pas ses raisons d'être triste. Elle-même, je le sais, et moi, j'ai pour elle une amitié sincère. Ah, elle ne me quittera pas. Je vais lui laisser croire qu'elle me convertit. Ce sera pour moi un moyen honorable de sortir d'embarras, et elle sera bien obligée ainsi de ne pas critiquer le choix que je ferai. Mais la voilà avec tout son bagage. Scène 5. Madame Duménil, Mariette. Mariette entre, chargée de paquets, cartons, parapluies, et coiffée d'un grand chapeau de paille. Madame Duménil, assise près de la table à ouvrage, semble ne pas la voir. Mariette, immobile, d'un ton dolent, secouant ses paquets. « Je m'en vais, madame. J'ai tout mis là-dedans. Je m'en vais. Je respirerai le grand air, je soignerai les poules et le coq. Ah oui, je le soignerai, le coq. Quand un coq ne chante pas dans la basse-cour, vous savez, madame, c'est comme ici. Ce n'est pas gai. » Elle ne parle pas, elle ne veut rien me dire. Pourtant, cela me peine de l'abandonner, car elle a été bien bonne pour moi. Tout à l'heure, j'étais un peu vive avec elle. Pauvre marraine, elle est assez malheureuse. Oh, mais nous allons voir. Quel bonheur ce sera pour moi de mener les moutons à la prairie, de traire les vaches, de battre le beurre. Muette, elle ne veut pas même me dire adieu. Je me secouerai la rate par le rire. Je m'en donnerai pour tout le temps que j'ai moisi dans votre aquarium. Que dites-vous, impertinente ? Enfin, elle a parlé. Ainsi, mademoiselle, sans aucune considération pour l'embarras où vous me mettez, vous partez sur l'heure ? Oui, madame. Ce n'est pas que je vous regrette, puisqu'il vous en coûte si peu de me quitter. Il ne m'en coûtera pas davantage de me séparer de vous. Alors, madame, pourquoi me faire des reproches ? Adieu, madame, je me sauve. Je manquerai le train. Fausse sortie. Madame Duménil se lève et la retient. Pas si vite. Ouvrez vos paquets. Mes paquets ? Ouvrir mes paquets ? C'est mon droit. Vous me prenez pour une voleuse. Puisque vous ne voyez en moi qu'une maîtresse, je vous traite en servante. Mariette, furieuse, jetant tout son bagage aux pieds de Madame Duménil. Ouvrez ! Cherchez ! Non pas, cela suffit. Mariette, ironiquement, lui tendant le parapluie. Et là-dedans, voyez donc, madame. Elle l'ouvre entièrement. C'est fort bien. Je désire pour vous que la maison où vous vivrez ne vous soit pas moins amie que celle dont vous sortez. Oh, je me retire chez ma tante. Où vous n'avez pu demeurer il y a 4 ans quand je vous prise avec moi. Dame, elle me maltraitait et voulait me faire chanter pendant qu'elle me battait. Le caractère de votre tante a dû s'améliorer à mesure qu'elle a vieilli. Oh non, je ne crois pas. Alors vous chanterez. Je chanterai. Il y a si longtemps que cela ne m'est arrivé. Adieu, madame. Adieu. Mes compliments à votre tante et à votre cousin. Vous l'épouserez prochainement. Qui ça ? Le bossu, l'idiot, le fils de ma tante ? Oh, jamais ! Vous savez la condition de votre tante, épouser son fils pour rentrer chez elle. Oh, je suis bien malheureuse d'être orpheline. Votre tante sera votre belle-mère. N'est-ce pas une mauvaise action de quitter ma marraine ? Et là-bas, ne serais-je pas plus malheureuse ? Rester ? Partir ? Que faire ? Voulez-vous rester, Mariette ? Je vous pardonne vos brusqueries. J'ai de l'amitié pour vous, vous êtes ma filleule, je serai pour vous une mère si le peu de différence d'âge ne m'avait faite votre amie. Restez ! Ah bien, voilà encore et toujours de l'eau, de l'eau. Je pars, adieu. Elle ramasse à la hâte ses paquets et se dirige vers la porte. On sonne. Madame Duménil, troublée et regardant la pendule. « Ah, mon Dieu, il est 4 heures. C'est le capitaine. »« Comment ? Un capitaine ?»« Oui, c'est un monsieur qui... un officier... il devait venir... un capitaine. »« Il y a un capitaine et vous ne le disiez pas ? Il y a un capitaine, alors je reste. Jeune ? 30 ans. Bien taillé ? Pas mal. Santé solide ? Cela paraît. Blond ? Non. Brun alors ? Non. Ah miséricorde, il est roux ? Non, il est châtain. À la bonne heure. Est-il décoré ? Il le fut à 22 ans, pendant la guerre. Quel bonheur, il est décoré. Mais ce n'est pas tout. Infanterie ? Non. Cavalerie ? Non plus. Serait-ce un capitaine de vaisseau qui ira se faire manger par les sauvages et vous relancera dans ce bel état de veuve ? Ce serait à recommencer. Non, c'est un capitaine d'artillerie. Sapristi ! Un artilleur ! Il nous tirera des feux d'artifice. En attendant, vous le laissez à la porte. J'y cours. Ah, mon Dieu ! Venez voir, madame, c'est lui. C'est lui. Il s'en va. Là d'attendre. Il s'arrête ? Il se retourne de ce côté. Il entre chez la fleuriste. Nous sommes sauvés. Il reviendra. Tant pis pour lui. Comment tant pis pour lui? Et pour quelle raison? Par la raison que, maintenant, il est superflu que je le reçoive. Tu lui transmettras ma volonté. Oh, je ne comprends plus. C'est bien simple. Ce monsieur me poursuit depuis 3 mois. Et je n'en savais rien. Voilà, précisément. Tu devais l'ignorer. Il me fut présenté par ma tante. Je ne pus le malmener, mais je ne voulais pas permettre qu'il me compromît par ses assiduités. Je ne voulais pas, à tes yeux même, à toi, qui depuis 3 ans vois mon deuil, paraître faiblir et me laisser entraîner à une passion. Oh, mais ma reine, il ne fallait pas vous gêner pour moi. Mais où voulez-vous en venir? À ceci. Le capitaine eut de moi, qui voulait en finir, l'autorisation de me venir voir aujourd'hui. Je savais ce qu'il me dirait. Et vous, saviez-vous ce que vous répondriez? Oui, monsieur, je suis veuve d'un colonel, et ce n'est pas pour un capitaine que je romprai le veuvage. Vous lui auriez dit cela? Signe affirmatif de madame Duménil. Mais c'est insensé! Ah, vous avez donc bu une drogue de folie! Voyons, madame, vous n'êtes pourtant pas une bête! J'aime à vous l'entendre dire. Mais je ne le dirai pas 2 fois, si vous répétiez votre belle phrase. Fort bien, mon compliment. Vous ne comprenez donc pas que je ne puis déchoir? Déchoir de quoi? Vous n'avez pas de mari. Vous en prenez un. Est-ce déchoir, cela? Au contraire. Mais le mari que j'eus était colonel. Mais le mari que vous eûtes n'est plus rien du tout. Il n'en était pas moins un homme de haute situation et un homme remarqué le jour qu'il m'épousa, et cela me fit honneur. Mais il avait 50 ans, un gros ventre et pas de cheveux, et cela vous fit un grand bonheur. Tant qu'il vécut, je n'eus qu'à me louer de l'avoir choisi. Mais il était si bien en point déjà qu'il n'ait survécu que 2 ans. Je suis bien malheureuse de l'avoir perdu. Raison de plus pour le remplacer. Je ne puis descendre de mon rang. Remplacer un vieux colonel mort par un jeune capitaine bien vivant, je dis, moi, que c'est monté en grade. Et puis, il aura de l'avancement, ce jeune homme. Tu crois? J'en suis sûr. Il est brave, instruit, distingué. Oh, certainement. Mais qu'en sais-tu? Moi, je n'en sais rien, mais je juge cela. Puisque vous l'aimez. Je l'aime? Mon Dieu, oui. Oh, ne vous effarouchez pas. Mais vraiment, Mariette, je ne te comprends pas. Me dire de pareilles choses? Eh bien, est-ce scandalisant? Tu sais bien que je me suis jurée de rester veuve. Celui à qui on jure peut remettre le serment, puisque c'est à vous-même que vous avez juré. Alors? Alors, vous êtes déliée. Crois-tu en conscience que je puisse aimer ce jeune homme? Je crois en conscience que vous en tenez, et fort. Tu veux donc que je cède à ces instances? La belle question. Attendriez-vous ma permission? C'est que tu as une façon de pousser les gens. Ah oui, c'est moi qui vous pousse. On sonne. Elle court à la fenêtre. C'est lui. Avec un bouquet. Elle va pour ouvrir. Faut-il le recevoir? Le bouquet? Non, le porteur. Mais tous les deux, ma reine, tous les deux. Au moins, c'est pour te faire plaisir. Tu t'en souviendras et tu ne me quitteras pas. Jamais. Mais Loulou, je ne pourrai plus m'en occuper. Ce pauvre Loulou, qui le soignera? Le capitaine. Eh, vite, ou bien il va partir encore. Oui, vite, je passe au salon, va ouvrir. J'y cours, c'est la gaieté qui rentre à la maison. Ici se termine La conversion de la veuve par Paul de Poncevray avec Madame Duménil, Cocotte, Mariette, Didascalie et le montage, Christiane Jehanne.